La vieille au berceau. Quand Trinette Desroquettes, l'ancienne marchande de bablutes de sucre, fit sa dernière maladie, elle était fort vieille et redevenue si petite que sa fille la couchait à la chambre du bout, près de la fenêtre sur le jardin de terre noire, dans un berceau qu'elle avait je ne sais d'où. Ce lit d'enfant, haut et carré comme une huche à pain, avait des rebords faits en forme de ridelles ou de râteliers. Ses pieds posaient sur une pièce de bois cintrée, et, la bâche levée, quand on agitait la machine, Trinette pouvait très bien se figurer, trémoussée au chaos de sa charrette à baudet, partie à quelques ducasses de village environnant, pour débiter ses bablutes de sucre noir et ses saucisses de viande de cheval. Elle s'y croyait vraiment, et gentiment s'endormait bientôt, repliée sur elle-même comme un chien de fusil. Or, un dimanche, la fille de Trinette, qui continuait le menu commerce maternel, s'avisa qu'elle devait demeurer tard à la fête du Saint-Colin de Lerne. Elle fut prier le charlot du culot des béguines de garder la malade, lui offrant pour la veille, outre de gros sous, un paquet de tabac à fumer et un pot de bière double. Charlot accepta le marché, vint après son souper, et le voilà balançant la vieille Trinette. Mais elle ne s'endormait point. D'abord, il avait baissé la lampe, dans l'idée que ce put être la lumière qui la tint éveillée. Puis il l'avait bercée d'un mouvement plus vif. Puis il l'avait bercée plus lentement. Il ne l'avait plus bercée du tout. Il avait repris de la bercer. Rien. La petite vieille continuait de geindre, de soupirer, de s'agiter, de se tourner dans ses draps et de se retourner. Il vint une idée à Charlot. Parce que Charlot du culot des béguines, tout plafonneur qu'il fût, et si haut qu'il monta à ses échelles, n'était jamais à court. Il se dit naïvement, « Toutes les femmes sont les mêmes, plus vieux, plus sot. Chez moi, quand j'ai embrassé la mienne, je sais bien qu'elle s'endort. Sinon, non. » Il se mit donc, le plus doucement qu'il put, dans le petit lit branlant, et gentiment baisonna Trinette. Charlot entendit clairement que Trinette était contente. Et bientôt après, elle s'endormit. Ensuite, la fille rentra, et Charlot, ayant bu sa bière et fumé son tabac, sortit sur la pointe des pieds et s'en retourna chez lui achever la nuit, en disant bonsoir et merci. Le lendemain, au soir, ce fut la fille qui veilla la mère. Mais la nuit était tout à fait venue, que Trinette ne dormait pas encore. La garde étonnée avait beau la balancer sur toutes les cadences, lui offrir ceci à boire et cela à manger, baisser la lampe, retaper son oreiller, Trinette s'agitait et murmurait des paroles confuses. « Quoi? Que vous faut-il ? » redemandait la fillette. « Dites, mame. » Et Trinette, d'une petite voix cassée et suppliante. « Comme hier, comme hier. » Quand la femme dit souvent « hélas », c'est qu'elle veut ailleurs sous l'as.